Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Charlotte et c'est ma voix qui va venir chatouiller votre tympan. Vous écoutez Nice to Hear You, une conversation que j'anime un vendredi sur deux avec des artistes, créateurs, créatrices, entrepreneurs, entrepreneuses et autres humains humaines sympas, au cours de laquelle nous allons pouvoir aborder des sujets légers ou de société et mettre en lumière les idées et les projets des gens qui nous inspirent, le tout articulé autour d'une thématique unique qui se réinvente à chaque nouvelle émission. Définition 12. Optimisme. Tournure d'esprit qui dispose à prendre les choses du bon côté en négligeant leurs aspects fâcheux. Je le dis souvent, je me répète parfois, c'est vrai, mais l'internet c'est vraiment chouette. C'est grâce à ce vecteur que je découvrais la campagne Ulule menée par Anaïs pour financer une collection de sa marque Les Récupérables. J'étais déjà à l'époque à la recherche de marques éthiques, alternatives, fraîches et nouvelles. Et Anaïs a une aura si forte que même quand on ne la connaît pas, on reçoit un peu de cette magie sur nos écrans. Je tombais alors un peu amoureuse de cette marque et l'envie de rencontrer cette femme devenait une évidence. Quelques semaines plus tard, c'est au micro de Lorraine Bastide et de son podcast La Poudre que je découvrais, pour la première fois, la voix d'Anaïs. Et puis un jour, les astres s'alignent et on trouve toutes les deux du temps dans nos agendas pour partager un café et animer une émission ensemble. Ah, c'est beau le karma. Avec Anaïs, on a jasé de plein de choses. De sèche-linge, de sourires et de chambres bien rangées. Très bonne écoute. Bonjour. Bonjour Anne-Charlotte. Comment ça va? Super bien, écoute. Moi, je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui. La thématique qu'on va aborder ensemble va aller toquer à la porte de plusieurs sujets qui me sont très chers. On va parler de SAP. On va parler d'engagement, on va parler de smile, mais surtout, attention, roulement de tambour, suspense insoutenable, on va parler d'optimisme. Waouh. J'espère que nos éditeurs et auditrices sont aussi emballés que nous. Mais d'abord, on va faire un rapide récap un petit peu de ce que tu as fait, de qui tu es. En 2016, après avoir été responsable de la boutique solidaire de la ressourcerie La Petite Roquette, pendant 3 ans, si je dis pas de bêtises, tout à fait. Tu crées la marque Les Récupérables. Cette marque est une marque de mode, oui, mais pas que. Parce que plutôt que de s'inscrire dans un schéma classique et bouillant des saisons, des collections, des fashion week, Les Récupérables travaillent selon les principes de la revalorisation textile, s'inscrivant ainsi dans une économie circulaire. Les matériaux sont collectés auprès de ressourceries partenaires et la confection des pièces réalisée dans des ateliers à taille humaine à Paris et des ateliers de réinsertion sociale. L'ouverture sur le monde est quelque chose qui me semble être au cœur de tes préoccupations. En témoigne ton diplôme en master commerce international langue étrangère et civilisation amérique, obtenu quelques années auparavant. Ton parcours est multiple et j'avoue, a fait naître une petite pointe d'envie au fil de mes recherches. Oh. J'ai découvert que tu parlais 4 langues. J'aimerais donc commencer par la question rituelle de l'émission. Anaïs, quel regard portes-tu sur toi? Quel genre d'humaine es-tu sur la planète? Bien, j'essaye de la peupler avec tout ce que j'ai de plus optimiste et d'y apporter un peu de légèreté. C'est pour ça que j'ai choisi la mode, pour la beauté et pour l'esthétisme, et puis apporter du fond et du concret, parce que je pense qu'on peut complètement repenser les systèmes pour qu'elles soient plus belles et plus justes. Si tu te rappelles quelle petite personne tu étais, est-ce que voir et faire les choses bien, c'était déjà quelque chose qui faisait partie de ta personnalité? Alors enfant, j'étais très intrépide et on me demandait à ma mère, mais quand est-ce qu'elle s'arrête? Mais quand elle dort, voilà. J'avais des petites obsessions et des petits tocs esthétiques où il fallait que toutes les choses soient placées dans une certaine manière dans ma chambre. J'étais assez ordonnée, voilà. J'aimais que ça soit rangé, que ça soit beau et que ça soit facile pour jouer avec. C'est peut-être pas très enfantin, mais ton état. Personnel, il s'exprime principalement pour moi, enfin selon moi, au travers de ta marque Les Récupérables. Comment, dans cette spirale du plus vite, moins cher, tout de suite, passe-t-on de consommatrice hébétée à créatrice entrepreneuse engagée? Je pense qu'effectivement, ça vient d'une démarche personnelle. Moi, j'ai pas connu, je l'ai connue adolescente, la venue de cette fast fashion, au début des années 2000. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, mais ça me remplit pas. En fait, je pense que la fast fashion, elle est là pour remplir un vide et toujours plus, toujours moins bien en termes de qualité, pour du coup y retourner et trouver une espèce de satiété là-dedans. Et en fait, moi, ce que je préférais faire, c'était déjà chiner les Emmaüs. Et alors bon, bon, à l'époque, c'était encore, ça se faisait, mais c'était encore un peu, ah bon, mais tu préfères pas aller chez H&M? Bah, non, en fait, je préfère pas avoir le même truc que toi et que tout le monde. Ouais. Donc, il y avait un peu de snobisme derrière ça, certainement. Et puis surtout, c'était découvrir des trésors. Et donc après, tout simplement, bah, à un moment donné, il y a les planètes qui s'alignent. Et après, un parcours plutôt dans les langues étrangères, un peu dans le journalisme, avec un passage par la comédie, je me suis tournée vers les friperies parce que du coup, c'était ma porte d'entrée. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, pourquoi on va reproduire de la matière alors qu'il y en a déjà, il y en a trop, et qu'il faudrait peut-être voir le potentiel plutôt que les limites. J'ai lu dans une de tes interviews que pour toi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des surprises. Face à cette incertitude de l'avenir, comment fait-on pour croire et agir en faveur d'une issue favorable à l'industrie de la mode, plutôt que de se résigner et foncer courage dans la poche, CB entre les dents, dans la première enseigne de fast fashion? Je pense qu'il faut, enfin, c'est presque un travail personnel, si on le prend du point de vue du consommateur, et si on le prend du point de vue de l'industrie, c'est que clairement, on est à un stade où on vit sur une planète où les ressources ne sont pas infinies, elles sont d'ailleurs en voie de raréfaction, et en fait, c'est simplement se poser face au tableau qui est pas glorieux, disons-le, et se dire, ok, très bien, plutôt que de faire pleurer dans les chaumières, on va trouver une solution qui est fun, sexy et qui donne envie, et venir attirer, je pense, toute personne sensible qui a envie de bon sens vers une mode qui est plus responsable et qui prend en compte les actes d'achat. Parce que c'est vrai que je pense que c'est aussi parfois difficile de se regarder un peu dans une glace et de se dire ok, j'ai participé à ça. Moi, j'allais souvent, pareil, chez Zara, j'ai consommé chez Zara beaucoup. Et un jour, en me renseignant, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, tu le sais, en fait, enfin, sous une espèce de gimmick, tu dis, bah oui, c'est fait en Chine par des petits enfants. Et en fait, un jour, tu te dis, non, en fait, c'est vraiment fait en Chine par des petits enfants, mais ça va pas, mais qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi je fais ça? Et c'est peut-être, comme tu disais, personnel, c'est peut-être cette étape-là de se dire, ok, en fait, moi aussi, je suis coupable. C'est ça, mais je pense qu'il faut surtout pas se culpabiliser parce qu'en fait le système il est fait pour que surtout on ne s'en aperçoive pas. Et du coup c'est un grand travail de journaliste. On peut citer aussi Cache Investigation qui est vraiment du travail sur un sujet de fond. Et en fait tant que ça remonte pas à la surface, on peut pas savoir. En fait c'est compliqué d'avoir l'information à moins vraiment de s'y intéresser, de se documenter et d'avoir une appétence particulière pour dire non. C'est un peu complexe, donc je pense qu'il faut vraiment pas se culpabiliser. Et puis c'est aussi se rendre compte que faire autrement, bah, ça demande un temps et ça demande une réflexion. Et effectivement, il y a du boulot, quoi. Et que c'est possible, surtout. C'est complètement possible. La principale difficulté aujourd'hui pour la mode responsable, c'est l'accessibilité. Donc du coup on peut retrouver cette mode responsable sur des super plateformes comme Slow We Are. On peut la retrouver sur Antidote aussi, le magazine d'ailleurs, enfin une super collab avec les Galeries Lafayette, avec des pièces en coton bio et en coton recyclé et même de l'upcycling. Donc il y a de plus en plus de choses qui sont faites et qui sont visibles. C'est vrai qu'il y a quelques années, là ça devient un petit peu plus accessible, mais le gros problème de la mode responsable c'était l'accessibilité. Ensuite l'accessibilité prix et puis aussi l'image, parce qu'un pull qui gratte ou un bonnet qui revient à la modeuse parisienne, ça lui disait pas, ça l'emballait pas. Et pourtant, moi c'est vrai que c'est quelque chose que je te rejoins là-dessus, on dit beaucoup en disant non mais ça coûte trop cher, mais c'est juste que le curseur de prix est pas au bon endroit, c'est que la mode rapide coûte pas assez cher et que tout le monde n'est pas rétribué en fait sur la ligne de fabrication. Donc c'est 5% à peu près, mais encore 2% le salaire du coût de l'artisan. Ouais. Donc c'est modique. Et puis bon, derrière il y a toutes les conséquences que ça peut avoir sur la vie et sur la défense des droits humains qui sont clairement bafoués dans cette industrie malheureusement. Ensuite, pour replacer effectivement cette notion de curseur, c'est que oui, le t-shirt à 2 euros, du coup, il n'est pas viable puisqu'il a des conséquences assez dramatiques. Et en fait, c'est de se dire, ok, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter 3 pièces de fast fashion par mois à en moyenne 20-30 euros, puisque c'est à peu près le panier moyen. Donc 3 fois 3, 9, ça fait 90 euros par mois. Donc finalement, on peut se dire, ok, si j'économise, ça veut dire qu'en 2 mois, j'ai 180 euros pour aller m'acheter une super petite robe chez Ikiog, une super paire de baskets chez déjà. Et voilà, et du coup, il y a... Se remettre en question sur comment on consomme. Complètement. Et puis se dire moins, déjà, beaucoup moins. Et puis se dire, en fait, je peux réparer un vêtement. Moi, je fais des ateliers qui s'appellent Do It Toi-même, avec mon asso qui s'appelle Tout est possible. et où, du coup, on vient inviter à venir repriser au fil d'or la technique japonaise avec une super animatrice qui s'appelle Anaïs Minier. Allez, Anaïs, que des gens super. Ouais, voilà, ils sont fabuleux. et du coup, ben voilà, c'est reprisé ses pièces favorites. C'est peut-être aussi se dire on peut consommer de seconde main. Et ça y est, je pense que l'aventure est ouverte sur le seconde main, que ça soit online ou pour les vide-greniers. Et puis de temps en temps, avoir vraiment un coup de cœur et se dire ok, ça c'est une pièce qui m'est chère, j'investis. Et puis à la façon de nos grands-parents de garder les vêtements, puisque du coup ils sont de meilleure fabrique et de meilleure qualité, et on consomme quand même 5 fois plus de vêtements qu'il y a 15 ans, enfin une proportion comme ça assez énorme, qu'on ne va pas porter, puisqu'il y a 70% de notre placard qu'on ne porte pas. Mais moi, c'est, en c'est... moyenne, hein. Ouais, non, mais moi c'est vrai que c'était un constat qu'un jour j'ai fait. Je pense que j'étais boulimique de la mode. J'en discutais fait pour, hein. beaucoup. Et moi, j'ai vraiment été, comme on dit, une fashion victime. Du coup, j'avais l'étendard, tu vois, j'étais à fond, j'étais la première ligne. Et j'ai toujours de file. Ouais, carrément. Mais hyper naïve et assumée. Enfin, j'étais pas très vieille, tu vois, c'est genre un peu adolescence, young adulte. Et en fait, un jour, t'es là, ok, mais et tout le monde me disait, non, mais tes placards, c'est pas possible. Enfin, te retrouver avec 70 paires de pompes, c'est compliqué quand même à 21 ans, tu vois. Ah oui, et oui. Du coup, t'es là, mais non, mais moi, je vois pas où est le problème, mais c'est cool et tout ça. Et un jour, il y a une espèce de truc qui m'a frappée et je me suis, mais du coup, quasi malade à l'idée, enfin, complètement changement de comportement. J'étais là, oh non, mais mon Dieu, en fait. Genre, j'ai 70 paires de pompes, mais où? Mais qu'est-ce que je. Ça m'alourdit. Ouais, et j'ai vidé, donc après, enfin. C'est par vague, quoi. Genre, bien sûr. Des trucs, t'es là, genre, non, mais toi, en fait, je t'aime encore un peu, peut-être que je vais te porter. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que je suis beaucoup plus dans cette démarche de, ah, ça, je me fais un kiff, j'y mets de la thune, mais franchement, je le mets tout le temps, je l'adore. Et du coup, je porte le nouvel étendard, mais l'étendard de la création. Et c'est quand même tellement plus grisant, en fait, d'avoir un truc unique, ou quasi unique, qui tellement tient bien. Et avec des belles valeurs, on a envie de raconter l'histoire aussi de la pièce. Ouais, c'est ça. Puis finalement, en fait, tu deviens, tu les portes. Mm. Tu deviens ambassadrice soleil. C'est comme ça que j'appelle les clientes des récupérables. Parce que oui, en fait, ce que tu portes, ça reflète ta personnalité. Bon, ça, c'est de prime abord. Et ensuite, effectivement, c'est tout ce qu'il y a derrière le miroir. Et effectivement, si tu peux assortir tes valeurs à ton dressing, on est vachement mieux dans ces baskets. Ouais, carrément. Bon, les choses du bon côté est une philosophie de vie qui a une mauvaise presse, souvent considérée comme idéaliste, naïf, ouais. Voire même un peu bête. Les optimistes ont la peau dure. Lancer un projet n'est déjà pas chose aisée, mais alors lancer un projet comme le tien, qui se souhaite également alternatif, désobéissant et inclusif, a dû paraître parfois carrément déconnant pour certains. Est-ce que tu peux partager avec nous les événements clés, les découragements, les victoires, les réactions qui ont ponctué le lancement de ta marque Les Récupérables ? Ou encore aujourd'hui d'ailleurs. Oui, il y en a toujours. C'est vrai que quand j'ai commencé il y a quelques années, parce que mon engagement, il n'a pas commencé il y a 2 ans avec Les Récupérables, mais en tout cas, quand j'ai commencé Les Récupérables, et j'ai dit, moi, je vais faire des robes avec des rideaux. Et là, on m'a regardé quand même très bizarre en me disant, elle est un peu bizarre, la dame. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle a bien dit, elle a fait un remake de Scarlett O'Hara. Et oui, en fait. Et du coup, c'est vrai que de voir les réactions un peu ahuries, j'ai croisé une de mes clientes il n'y a pas longtemps qui me dit, mais moi, je t'ai croisée il y a plus de 2 ans et tu me parlais des récupérables et tout. Et en fait, j'ai participé à ta campagne nulle parce qu'en fait, tu l'as fait. Et je lui dis, oui, je t'ai dit que je le ferais. Et c'est vrai d'avoir une espèce de se dire, non, j'irai quoi qu'il arrive, ouais. Quoi qu'il advienne, par-delà les mers, voilà, on prouvait que c'est possible. C'est vrai qu'il y avait une petite velléité un peu obstinée de me dire si, je vais le faire. Pourquoi on pourrait pas faire de la mode avec des rideaux, avec des matières non conformes? En fait, je voyais pas le problème, en fait. Cette espèce de détournement, il me semblait juste évident. De se dire, on n'a pas besoin de reproduire de la matière, on peut très bien partir de ce qui est existant. Et puis oui, s'il faut en plus détourner de l'usage premier, c'est encore encore plus fun et allons-y gaiement. Et ta campagne nulle, du coup, ça a été une belle victoire pour ça ? Écoute, victoire, je suis pas Napoléon, mais ouais, okay. c'était chouette. C'était vraiment très très excitant parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. C'est un peu comme un jeu. Tu joues un peu, voilà, tu te retrouves un peu dans un casino où tu te dis, ok, bah là, je mise tout le savoir-faire de mon équipe, toutes les pièces. Est-ce qu'on va arriver à produire ? Est-ce qu'on va pouvoir livrer dans les temps, etc. Donc, on a produit 600 pièces qu'on a livrées dans les temps, sauf deux. Là, je leur ai dit, franchement, c'est pas de chance. Mais je me suis dit, deux sur 600 pièces. Voilà, j'étais quand même assez contente. Et c'était une super expérience parce qu'en fait, ça a permis d'aller évangéliser des personnes qui n'étaient pas forcément sensibles aux propos ou alors qui l'étaient, mais toujours ce problème d'accessibilité et de visibilité. Et du coup, c'était absolument fabuleux de voir aussi des gens participer, juste de prendre le t-shirt parce que les finances le permettaient pas plus à ce moment-là, et de se dire bah non, moi j'ai envie de soutenir. Et en fait, c'est vraiment cette énergie de se dire bah en fait c'est aussi votre projet, puisque de toute façon sans vous, sans public et sans fan club, et ben on peut pas y arriver, quoi. Ouais, nos freins ne se porteront pas toutes seules. Voilà, c'est ça. On peut toujours essayer de faire une danse sur centre, mais voilà, c'est pour ce quoi. Et il y a eu aussi moi ce qui m'avait vachement marqué à l'époque, que j'avais trouvé complètement dingue et vraiment hyper réussi, c'était le défilé qui était ouf. Enfin, que je trouvais qu'il y avait... T'étais là au défilé ? Non, j'étais pas là. Ah, d'accord. Que moi, qu'est-ce qu'elle me dit ? Mais non, la psychopathe, elle me suit. Mais moi, en fait. Ça fait... Non, mais j'avais vu sur les réseaux et oui, j'ai eu pas mal de... Éclore, du coup. Le défilé éclore à la mairie du 4e, le 4 avril. Ouais. Mairie du 10e. Ouais, il était fou celui-là, c'était une performance, je l'avais pensé en quatre temps. Donc un premier temps où les filles arrivaient, se positionnaient sur le runway et exerçaient un espèce de quart de temps un peu à la militaire, comme ça, un tour sur elles-mêmes, et finissaient du coup par partir une par une. Et le deuxième passage, elles arrivaient au ralenti, donc pour illustrer de slow façon très très physique et très premier degré, du coup ce mouvement de slow fashion, et pour pousser du coup à son paroxysme cette dynamique là, à la fin, le dernier passage, je les ai fait marcher en arrière en talons aiguilles. Ça avait suscité pas mal d'angoisse, et puis en s'entraînant en fait marcher en arrière, moi j'avais fait pas mal de théâtre, notamment théâtre kabuki à la japonaise, et en fait en étant très concentrée avec un point de chute, c'est complètement faisable, et du coup ça venait vraiment illustrer du coup le propos, c'était assez imagé. Ouais, merci. Je sais pas si tu veux réitérer après ce genre de projet par la suite. Je suis en train de réfléchir. C'est compliqué en fait, c'est à dire que quand on met un espèce de pavé dans la mare comme ça en se disant ok, je vais jusqu'au bout de mes engagements et je les illustre par une chorégraphie, après il faut, enfin peut-être les personnes s'attendent à avoir des choses du même acabit, et du coup j'avais cassé un peu ce schéma là avec le défilé du coup qui s'est fait dans la bibliothèque publique d'information de Beaubourg, enfin du centre Pompidou à Beaubourg, où là c'était plus une histoire de chasser croisé sur un carré un peu à la façon Tetris, un peu à la façon domino, et donc du coup on était dans quelque chose de différent, et là cette fois j'avais détourné ma propre collection où j'avais fait des vêtements avec mes propres vêtements pour donner un aspect un peu plus arty sur un défilé, parce que je trouvais la collection très très chouette mais un petit peu plus basique sur certains points, et donc du coup j'avais besoin de la détourner, et là je suis en train de préparer le prochain où tu seras cordialement invité. Cette fois-ci, je serai là. Avril. J'espère bien que tu en auras mon invitation. Selon toi, la critique envers les optimistes est-elle plus largement partagée que celle envers les pessimistes ? Est-ce que sortir du moule, c'est quelque chose de si effrayant ? Bien sûr, l'inconnu, ça fait peur, sortir de la zone de confort. C'est tellement plus facile pour un Français de râler. Ça fait partie de notre ADN. Moi, quand je suis arrivée à Paris, je comprenais pas pourquoi les gens se plaignaient. Je pense que effectivement l'inconnu fait peur. On a envie, enfin c'est facile, et puis on se fait cajoler quand on se plaint. Il y a une réaction beaucoup plus protectrice peut-être, ou alors un coup de gueule, mais au moins il y a une réaction. Alors que l'optimiste, on se dit ah bah c'est bon, tout va bien, bah on peut continuer alors. Et du coup, moi, comme il y a tellement de choses à faire et tellement faire sauter de couture dans cet écosystème-là de la mode, que du coup, je me concentre vraiment sur faire avancer chacun des sujets avec le maximum d'énergie positive, puisqu'en fait, l'énergie positive, elle permet vraiment que ça glisse, que ça avance, que ça soit très fluide. Puis ça crée une... Enfin, vous, avec les récupérables, tu n'es pas toute seule, tu as une équipe aussi qui travaille avec toi. Et j'imagine qu'avoir des gens optimistes, ou en tout cas avec de la good vibes tous les jours, enfin, ça permet de porter toujours le projet plus haut, plus loin. Ça doit se retransmettre aussi quand les clientes utilisent les... Enfin, j'imagine que peut-être vous avez eu des retours par rapport oui, à ça. Oui, il y a une teneur un peu magique. il y a un mythe, ces vêtements sont magiques. non, c'est vrai. Au sein de l'équipe, je travaille avec Lucie Sassia, qui est une photographe hors pair, dont j'admire beaucoup le travail, qui travaille beaucoup sur les questions de la femme et montrer une autre image de la femme. Et du coup, avec les récupérables, une autre image de la mode. Et du coup, du moins, hein, essayer de la valoriser au maximum et au plus juste. Et c'est vrai que il y a une sacrée énergie sur les tournages. C'est elle qui va être en fait la première assistante sur les défilés également. Et c'est vrai que c'est très fluide, d'une, parce qu'on se connaît maintenant, et puis parce que en fait on se laisse pas envahir. En fait, des événements, des mini événements, des épiphénomènes, il y en a tout le temps. Et du coup, pour pas se laisser parasiter, c'est vraiment une recherche de se dire ok, on respire, on regarde grand, on n'est pas en train de sauver des vies, quoique, enfin, pas en direct en tout cas, j'espère que ça puisse avoir une petite incidence à notre petit niveau, mais voilà, de se dire, ok, il n'y a rien de dramatique, on peut complètement faire avancer le propos, et pour ça, il faut un maximum d'amour, de joie, etc. Et puis c'est ce qui donne aussi envie à une équipe, parce que du coup, sur un défilé, quand on est à 50 personnes sur le défilé à Beaubourg, à préparer ça en silence, puisque c'est une bibliothèque, rappelons-le, ça veut dire que si tu ne transmets pas un peu de joie à l'équipe, et voilà, bon après, je ne le fais pas exprès, moi je suis née un peu comme ça, pour que ça soit très énergique et très joyeux, parce que sinon le navire coule et le capitaine se retrouve bien désemparé quoi. Pour tous les inquiets et inquiètes qui nous écoutent, qui aiment voir le verre à moitié vide du coup, à l'école du positif, on trouve quel outil dans les trousses? Et c'est ce que je te disais un peu là, je me suis répandue. Je pense que la première chose, et ça y est, c'est devenu à la mode mais pour longtemps, et ça passera pas de mode, c'est le yoga. C'est puissant, effectivement, la respiration. Voilà, je pense que c'est une des premières choses, effectivement, toujours relativiser, de se dire que effectivement voilà, on est en train de faire quelque chose de concret, on l'espère puissant, mais ne pas se mettre des espérances voilà un peu au-delà, et le fameux lâcher prise, de faire confiance, à la vie, faire confiance aux surprises. Quand parfois on reçoit un mail d'un grand journal, on se dit ah ouais, ils nous ont entendu. Ouais, c'est ça. Et voilà, et après, d'une façon plus spirituelle, moi je dirais c'est faire des demandes à l'univers. Faut okay. lui demander les choses. Et moi j'écris souvent des lettres au Père Noël pour lui dire bon, alors ça serait vraiment la première chose. En deuxième position, ça serait pas mal. Bah, non, on va le mettre sur le premier plan parce que finalement, voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Ouais, et voilà, effectivement, ouais, je pense que c'est du domaine du coup très personnel et quasi spirituel. Mais c'est se faire plaisir, c'est les petits riens du quotidien. La collection quotidienne du coup que j'avais appelée pour ça, c'est le petit supplément de sourire. C'est pour ça qu'il y avait des bouches qui débordaient légèrement à Alexander McQueen sur les bouches rouges du coup du défilé. C'est ce petit plus, en fait, c'est s'émerveiller de rien. C'est vrai que mon chéri parfois il me dit mais calme, what. C'est à dire que s'enthousiasmer, ouais. Ou même quand ça va pas, si j'ai un super conseil, non mais ça va paraître voilà, ne pas faire de suppositions. Troisième accord Toltec. Ça ne va pas paraître, en tout cas j'y crois fort, c'est sourire. Quand ça va pas, tu souris, mais en fait, ça doit être un métabolisme hyper chimique. Ça envoie de l'endorphine dans ton corps. Voilà, j'ai pas étudié, je suis pas très physique chimie, mais en tout cas, c'est réel. Et vraiment, quand ça va pas, tu souris, et là, hop, ça s'efface. En fait, toutes les peurs, elles vont bloquer les mécanismes pour aller de l'avant. Il faut mettre de l'intention aussi dans tout ce qu'on fait. Très fort, de l'intention, y croire. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai une amie qui m'avait dit l'envie c'est le talent. Et je pense que ça c'est vraiment au quotidien. Donc sourire quand ça va pas, respirer, bon, faire du yoga c'est la base. Ça y est, si vous en faites pas les gars, vous y allez. Mettez-vous-y. Bah après, le sport peut avoir des vertus assez géniales aussi. Et puis, comme tu disais, pour rebondir là-dessus, mettre de l'intention en fait. Avoir envie, prendre le temps pour les faire, pour pas être toujours dans une espèce de course où jamais rien n'est jamais fini. Et en fait, on ne retire aucune satisfaction. Et puis, il y a un petit truc, je pense, que tout le monde fait, c'est la fameuse to-do list du matin. On vient rayer au fur et à mesure. Ah, ça, je l'ai enlevé là. Ah, ça, c'est disparu. C'est vrai qu'on a, tellement des charges de travail et tout est tellement chronophage, on est tellement en train de enfin notre temps il est tellement rationné, c'est terrible. J'en arrive à refuser beaucoup de choses que j'aimerais faire et du coup c'est s'accorder ça, c'est s'accorder des vrais temps de pause et parfois des petites choses, parce que quand on est entrepreneur au début c'est pas facile, niveau cash, niveau temps, niveau rencontres, etc. Mais du coup les petits bonheurs de la vie, moi par exemple je vais à la piscine avec ma meilleure amie le samedi matin et c'est juste fabuleux, mais c'est des petites choses et sourire et aller s'acheter le fruit de saison qui refait son appareil. Là, j'ai vu qu'il y avait des asperges, mais ça m'a rendu tellement heureuse de me dire ah ouais, j'avais une super recette avec du comté, un petit feuilleté d'asperges et tout. C'est vraiment les petites choses de la vie qui pourraient paraître, effectivement, comme tu disais, un peu simpliste, un peu simplé. Eh bien non, en fait, je pense que c'est vraiment ces petits bonheurs qu'il faut choyer. Parce qu'on l'a peut-être aussi, on oublie peut-être, tu vois, ces petits bonheurs au quotidien quand on est happé par les réseaux sociaux, quand on, tu vois, genre dans un quotidien d'entreprise ou peut-être la tête dans le guidon, et c'est faire un peu machine arrière en disant genre ok, en fait c'est hyper cool les asperges et c'est bon, on y va. C'est ça. C'est vrai, c'est se mettre des petits objectifs pour sortir de ça. Et un travail que j'essaye de faire, mais c'est très dur, c'est à partir de, j'y arrive pas encore, à partir de 20h, couper les réseaux sociaux. Et le matin, que ça soit pas du tout la première chose qu'on fasse. Ça, le matin, moi, j'ai réussi, ça m'arrive à moins qu'il y ait vraiment un post qui doit, voilà, où il y a un truc qui est déconné, où je dois checker. Mais sinon, j'arrive à m'y mettre qu'à partir de 10-11h. Oh, c'est bien ça. Ouais. C'est presque de la détox. C'est presque de la détox. Après, avec les stories, avec tout ça, c'est vrai que ça demande tellement de temps et ça a un vrai impact sur des projets. En fait, c'est tellement chouette de pouvoir montrer les coulisses de sa vie d'entrepreneur qu'on a envie de le faire. Après, je pense que quand on a une petite aventure comme ça, ce qui est chouette, c'est de pouvoir les programmer. C'est des choses qui sont possibles. Et du coup, d'avoir suffisamment de contenu en amont, ça demande effectivement pas mal de boulot, mais au moins c'est fait et du coup c'est programmé. S'organiser et, en fait. Voilà, s'organiser pour s'en défaire un peu et après ça soit plus pour aller tchatcher avec les copines plutôt que d'aller voir le dernier truc qui est sorti parce qu'il faut absolument, oh mon dieu, si je suis pas au courant, ça va pas le faire. Créativement parlant, toi t'as des petites choses comme ça que tu mets en place, t'as une espèce de process créatif qui t'emmène vers, que ce soit avec les récupérables mais dans tes autres activités ou projets à côté? Moi, c'est l'urgence qui me fait. Moi, je marche à l'urgence. En fait, j'aime bien ce rythme très effréné. On parle beaucoup de slow et tout ça, mais moi, je suis assez speed et j'aime bien l'urgence. Du coup, ce qui va me faire le plus créer, c'est qu'en général, je dis, OK, ça va sortir le 4 avril. Donc, en fait, waouh, il reste 3 semaines pour y aller. Et du coup, moi, les process créatifs, vraiment, je crée à partir de la matière, de ce que je trouve et du coup, de l'existant. Donc, ce qui va m'inspirer le plus, c'est un moment préféré, c'est d'aller chiner. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. Je le fais encore de façon personnelle pour mes vêtements, pour ici la déco que tu vois dans l'appart, mais aussi pour du coup les futurs tissus de la collection. Et ça, c'est vraiment un grand moment parce que du coup, c'est ces matières-là où du coup, je vais en sélectionner certaines et je vais les combiner entre elles alors qu'elles n'ont rien à voir. Et je vais trouver une espèce de cohérence là-dedans et en fait, ensuite, je vais les attribuer à un modèle, voire ça va carrément me donner une idée de modèle. Et après, je m'inspire beaucoup, comme dirait monsieur Pierre Cardin, qui s'inspirait de la rue, qui disait la mode est dans la rue, ça avait fait scandale, il s'était fait virer de la chambre syndicale de la haute couture ou du prétable, je ne sais plus à l'époque. Bon, c'était aussi une vieille France hein, à l'époque, mais voilà, c'est vraiment la rue qui inspire. C'est vrai que je regarde beaucoup les femmes, je regarde beaucoup leur façon de se mouvoir, leur façon d'être élégante, déceler qu'est-ce qui va les rendre sublimes, évidemment c'est la joie, c'est le sourire qui les rend souvent le plus belles, mais esthétiquement je décrypte pas mal aussi les looks et puis après je passe beaucoup de temps à composer des tenues. chez moi. Et en fait, je porte toujours les collections. J'ai toujours deux, trois pièces. Bon, je porte les protos généralement. Regardez pas l'intérieur, parce que c'est un prototype. Bon, là, ça sera un peu ajusté, mais l'idée est là. C'est ça, complètement. Et en fait, je garde toujours une pièce, genre le Keepens, qui est le pantalon, qui est un peu l'icône des récupérables. Et du coup... là, j'ai créé un nouveau top qui s'appelle le crop top, très original, mais avec un K, parce que la mode est un K à traiter de toute urgence, c'est pour ça qu'il y a des K partout. Et du coup, en fait, il va m'aider à venir créer la collection, c'est-à-dire je me dis, ok, mais en fait, ce pantalon, les filles, elles vont le garder, elles vont le porter, c'est l'idée. Et de toute façon, on va en refaire avec des matières plus fluides, etc. pour l'été. Et donc, du coup, il faut que le top aille avec. Moi, ce que j'ai appris en théâtre, c'est vraiment que c'est dans la contrainte qu'on trouve une liberté, et en l'occurrence, pour les récupérables, celle de réinventer, celle de détourner et d'avoir une base. Et en fait, le fait que les codes soient très identifiés, c'est facile derrière pour venir créer la suite et que ça soit complètement en adéquation avec les pièces iconiques. Donc ça, c'est vraiment un process qui m'aide parce que du coup, je l'ai construit avec ces bases-là. On va finir par ma petite dernière question avant les rapid fire questions, qui est moins marrante mais que j'aimerais qu'on aborde ensemble. J'aimerais qu'on échange quelques instants sur la fast fashion. Donc on en a parlé un petit peu tout au long de l'émission, mais là ça, j'aimerais qu'on fasse un petit qu'on creuse un peu le bordel. Moi, c'est le documentaire The True Cost dont j'ai parlé à plusieurs reprises sur les réseaux ainsi que dans mon épisode avec Laetitia, qui m'a bouleversée au même titre que l'épisode bonus du podcast La Poudre avec Lorraine Bastide, Fashion Revolution, dans lequel j'ai le plaisir d'entendre pour la première fois ta voix et celle d'autres femmes militantes. La fast fashion tue et moi ça me cuit à petit feu. Parce que la mode est un terrain de jeu. Je pense que nos auditeurs et auditrices, s'ils ont été attentifs au cours de cette émission, ils l'auront bien compris. Et j'imagine que c'est aussi la façon dont eux, ils ont d'appréhender la mode. La mode, c'est la couche qu'on choisit, avec laquelle on interagit avec le monde, avec laquelle on s'exprime. Pour tous les auditeurs et auditrices qui ne seraient pas familiers avec les travers de cette industrie, est-ce que tu peux, avec tes connaissances, puisque je sais que tu es assez pointue sur le sujet, nous dresser un petit constat rapide actuel des choses, et même si on en a évoqué un petit peu auparavant, partager avec nous quelques solutions pour lutter à son niveau en faveur du changement. Chouette. Challenge. Ouais. Merci Anne-Charlotte. C'est parti. Bon, ça y est, le postulat il est assez répandu, donc c'est la deuxième économie la plus... Enfin, économie. C'est la septième, mais ça j'y reviendrai. Donc c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde après le pétrole. Pourquoi ? Parce qu'elle utilise énormément de pétrochimie, puisque le polyester, c'est du plastique, c'est du pétrole. Donc ça, c'est une composante première. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va polluer énormément ? C'est surtout les teintures. C'est-à-dire que hier, je visitais une usine de filature et de tissage. Donc il va falloir déjà... dans un premier temps, irriguer les champs de coton. Malheureusement, il y a beaucoup de pesticides qui sont mis, voire des molécules qui sont OGM, en fait, enfin, du coton qui est OGM. Il y a un grave problème, c'est le Better Cotton Initiative, qui a été repris dans Cash Investigation, qui fait du tort au coton bio. Si vous pouvez, si vous voulez regarder le documentaire, c'est très bien, tu mettras un lien. Ouais. C'est hyper bien expliqué, donc ça, c'est assez scandaleux, enfin bref. Donc en fait, il faut déjà irriguer les champs de coton. Ensuite, il va falloir les ramasser, etc., etc. Ensuite, il va falloir séparer les fils. Ensuite, faire un petit boudin de fil. Puis, avoir un processus... c'est un peu complexe, hein. Ouais. Mais tu sais quoi, je te mettrai le documentaire qui sortira dans 8 mois, où on a filmé tout ça hier pour tout le processus de la filature. Bon, bref, c'est long, c'est complexe de faire du fil. Et ensuite, il faut tisser. Et donc, il faut encoller. Ensuite, il faut enlever la colle, parce que du coup, il faut rigidifier la toile. Enfin, tout ça est très long. Très demandeur en eau. Il y a un chiffre qui est assez marquant, c'est qu'il faut à peu près 15 000 litres d'eau pour faire un seul jean, un seul, hein, pas une prod de 5 000. Pour faire un t-shirt, c'est entre, il y a différents chiffres qui se battent un peu en duel sur le net, entre 1005 et 7000, donc une moyenne à 5000 litres d'eau pour un seul t-shirt. Et là, on ne parle pas du bilan carbone qui intègre l'utilisation de l'eau. Donc ça, c'est vraiment des chiffres qui sont assez énormes et en fait qui nous permettent de se rendre compte de prime abord ce que ça veut dire. Ensuite, il y a une grosse problématique, c'est que dans les usines, donc le premier pays exportateur au monde, c'est la Chine. Le deuxième, c'est Bangladesh. Troisième, ça doit être l'Inde, en toute logique. En tout cas, premier et deuxième, c'est sûr. Le souci, c'est que les teintures, il y a énormément de produits chimiques. Il y a du chrome, il y a je citerai pas tous ces noms alambiqués. je suis pas physique chimie. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de traitement des eaux, puisqu'ils n'ont pas les normes REACH, comme il peut y avoir en Europe. Et donc, c'est déversé directement dans les rivières. Et le souci, et on le connaît bien, les fameux bains dans le Gange, ces populations, elles vivent, c'est leur dieu, cette rivière. Ils font tout dans cette rivière, et c'est c'est magnifique d'ailleurs cette culture. Le problème, c'est que aujourd'hui, l'espérance de vie dans les tanneries, donc ceux qui, tout ce qui va être à peu près le cuir pour faire les chaussures ou la maroquinerie, l'espérance de vie maintenant c'est 50 ans pour les gens qui travaillent dans les tanneries. Ils n'ont pas du tout de protection pour se protéger tout simplement des produits chimiques. Il y a des énormes barils bleus avec une étiquette orange, c'est assez parlant, avec une tête de mort dessus, rappelons-le. Hein, et eux, ils sont pieds nus là-dedans. Et s'ils doivent avoir des équipements, ce sont à leur charge. Sauf qu'en fait, ils ont un minimum wage qui est tellement faible. Je voudrais pas faire d'approximation, mais il me semble que c'est 50$ par mois et que ça a été augmenté suite à l'effondrement du Rana Plaza. Peut-être corroborer mes propos parce que je sens que les autres costes, elles parlaient de ça. C'est ça. Donc c'est des salaires qui permettent pas du tout de vivre décemment. Cette industrie, en fait, surtout au Bangladesh, elle a eu comme conséquence une exode rurale et donc du coup un amassement des populations en périphérie dans des conditions de vie qui sont terribles. Et le constat est assez dramatique. Hein, donc je continue. C'est une réalité, hein. À un moment donné, il faut savoir l'avoir en face. Et une grande problématique, et je pense que l'experte en la matière, c'est vraiment Nelly Al-Jatouni, qui est donc experte sur le sujet et qui fait partie du collectif Éthique sous étiquette, qui est une ONG qui se positionne pour améliorer et se battre pour l'amélioration des droits humains. Qui va du coup essayer c'est pas de convaincre parce que on est tous je pense convaincus, mais le fight il se fait avec les grosses multinationales et là vraiment elle fait un travail assez incroyable à ce niveau-là parce qu'en fait c'est ces gros acteurs qui doivent bouger, c'est pas toutes les petites marques trop cool de Paname qui vont avoir un impact du jour au lendemain, même si ça permet de décémer et de faire bouger les lignes. Effectivement, il y a des enfants qui travaillent, enfin disons-le, des très jeunes personnes. Et puis, ce qui a fait, en fait, je pense, éclore le constat catastrophique dont je vous parle, c'est vraiment l'effondrement du Rana Plaza en 2013 au Bangladesh, qui a fait 1500 morts et 2600 blessés. Allez, vas-y, je balance. Benetton les a indemnisés l'année dernière, 4 ans après. Primark était dans les locaux. En fait, on peut avoir la liste. Hein. Je pense que c'est de ce mouvement, c'est de cette catastrophe, de ce triste événement qui est né le mouvement Fashion Revolution, cofondé par Orsala De Castro donc en Angleterre, et l'association est en train d'être créée en France avec donc Fashion Revolution. Donc je participe aussi à cette aventure là pour vraiment venir sensibiliser et dire au fait, on va juste se poser des questions, on va juste aller interroger ces marques-là en tant que citoyen et de consommateur, qui a envie de consommer de façon plus responsable. Et je pense qu'en fait, c'est ce seul levier qui peut permettre effectivement aux consciences d'être éveillées et puis surtout de prôner une transparence. C'est la seule chose, c'est la société civile qui peut faire pression aujourd'hui puisque de toute façon c'est nous qui achetons. Et en fait je pense qu'il faut aussi remettre en main le pouvoir du consommateur puisque c'est lui qui vote avec sa carte bleue au quotidien. Donc je suis pas en train d'appeler au boycott parce que c'est une grande question et c'est un positionnement qui est un peu compliqué, mais en tout cas on peut choisir de faire autrement, on peut choisir d'aller vers des marques qui sont plus responsables, on peut choisir la seconde main et on peut choisir de reconsidérer qu'est-ce que c'est notre rapport à la mode, qu'est-ce que c'est notre envie, essayer de travailler sur une espèce de boulimie ambiante parce que de toute façon c'est un peu le travers de cette société en accéléré et de s'interroger et en fait de le faire sans culpabilisation aucune parce que en fait c'est pas avec ça qu'on va séduire, je pense que c'est vraiment avec le beau, avec l'esthétisme et avec cette fameuse transparence et de dire quand c'est pas parfait parce que faire une marque 100% green c'est très complexe. Si ça a été fait depuis le départ, ça permet d'avoir une exigence sur la chaîne de valeur et du coup c'est appréhendé à chaque étape et c'est construit et c'est éco-conçu. Je pense notamment à Veja qui a un modèle vraiment au firmament sur les baskets et puis à Patagonia qui a commencé dans les années 70 c'était un ovni à l'époque. Oui, en matière d'optimisme je pense que l'interview aurait duré 5h30 effectivement le constat il est assez terrible. Je pense qu'il y a un point de vue de la santé qui permet aussi en fait la mode responsable, on y rentre par plusieurs portes, je pense. Soit par rage et par dégoût de se dire non mais attends, c'est absolument injuste et ignoble. soit de se regarder soi et de se dire mais en fait cette mode elle peut avoir des conséquences sur ma santé, parce qu'en fait c'est une réalité. Je te donnerai également, mais tu as dû voir ce lien, cette vidéo qui parle en fait tout simplement qu'on aurait 60 pesticides différents, substances chimiques dans l'épiderme supérieur de la peau. Voilà, qu'il y a des cas de stérilité au Bangladesh parce qu'en fait ils font des barrages qui assèchent les terres, rajoutent des produits chimiques et en fait on décèle des problèmes de stérilité. Et il y a une corrélation qui a été faite entre ces pesticides et les cas de stérilité. Et en France, les personnes qui ouvrent du coup les cartons dans les boutiques commencent à se plaindre d'irritation des muqueuses. D'accord. Bonne ambiance sur toute la ligne. Voilà, c'est ça. Sans parler des gaz de combat qui sont mis dans les containers. Et en général, du coup, dans ce même reportage, les mecs ouvrent les containers et ils vont prendre un café, quoi. Parce que, en fait, sinon, c'est gaz de combat qui s'échappent en direct. Donc, effectivement, je pense que c'est vraiment à reconsidérer. Il y a évidemment l'aspect humain qui est juste... on perd mon latin, sans nom, et puis l'impact environnemental qui est terrible, parce que rappelons-le, il y a 70% des rivières qui sont polluées en Chine et des nappes phréatiques. Donc en fait, c'est notre planète à tous. En fait, c'est en Chine, mais c'est notre terre. On habite tous ici, hein, jusqu'à preuve du contraire. Même si on a quelques-uns qui ont prévu un déménagement pour l'année prochaine sur Mars, c'est pas encore tout à fait calé. Ouais. 30% de la contamination des eaux qui est responsable, qui est due à l'industrie du textile. Ça fait un tiers. Donc c'est assez colossal. Ouais. Et on va partir sur les bonnes pratiques, parce que sinon, il fait beau aujourd'hui. On parle d'optimisme, mais clairement. Positif. Du coup, un petit data, il y a 450 000 tonnes qui sont mises sur le marché français chaque année. Il n'y en a qu'un tiers qui est collecté par les éco-organismes. Du type Emmaüs, toutes les associations Secours Populaire, etc. Les ressourceries, la Petite Roquette, et puis bien sûr le Relais, qui est le plus gros acteur. Déjà, on peut se dire que s'il n'y a qu'un tiers, ça veut dire que les deux autres tiers, ils finissent à la poubelle. Et qui dit poubelle, dit enfouissement ou incinération. Or, la poubelle, c'est un faux concept. Parce qu'en fait, il n'y a pas de poubelle. Enfin, ça va forcément rester quelque part. On va pas voilà. La nature est capable de créer du déchet organique. Nous aussi, mais on ne le fait pas ou peu. D'ailleurs, il faut. Y a un super bouquin qui explique très bien tout ça, qui s'appelle Cradle to Cradle. De berceau à berceau, sur l'éco-conception. Donc, on est en train d'y venir. Et donc, du coup, en attendant, déjà en consommant moins, on pourrait tout simplement donner nos vêtements à ces éco-organismes qui sont, eux, plus en capacité de les traiter, même s'il y a ils les traitent du moins à 60%. Donc, voilà, éviter que ces deux tiers se retrouvent enfouis à la poubelle. Si on tape sur le net, le relais, ressourcerie, Emmaüs, il y en a forcément un à côté de chez soi. Voilà, il y en a même qui font des collectes parfois à domicile. Donc, en fait, c'est des petits réflexes. Si on veut avoir un impact positif là-dessus, c'est complètement faisable. Et peut-être aussi s'informer, tout simplement, essayer de... C'est la première chose, ouais. De lire, par exemple, regarder le documentaire, toutes les références dont tu as pu parler aussi là, au cours des dernières minutes, pour que les gens aient plus conscience aussi de ce que ça représente, voir des images, je pense que... Complètement, il y a une... ouais. J'étais convaincue, c'est choquant, ouais. Mais là, ça m'a tué, quoi. Enfin, littéralement, j'ai... Ouais, c'est ça. En fait, il y a une telle opacité sur cette industrie, parce que rappelons-le, si elle était un pays, l'industrie de la mode, ça serait la 7e au monde, la plus puissante. Bah oui, il y a beaucoup de dollars derrière. Donc effectivement, voilà, on n'a pas forcément, sans être conspirationniste du tout, mais voilà, on nous cache la vérité. En tout cas, on ne nous a pas donné l'accès à l'info direct, voilà. Mais effectivement, je pense qu'avec ton super récap de différents liens, on pourra échanger un petit peu là-dessus pour donner les références. Mais voilà, il y a vraiment des pépites qui permettent simplement... Alors oui, c'est déprimant, hein, on ne va pas se on va pas se mentir, oui, ça fait pas plaisir sur le moment, mais après ça donne vraiment une impulse pour se dire ok, très bien, qu'est-ce que moi je peux faire au quotidien. Et donc du coup c'est m'informer, ne plus jeter mes vêtements, les donner, les revendre, etc, etc, consommer beaucoup moins, regarder qu'est-ce qu'un vêtement durable, pourquoi les coutures vont être renforcées à tel endroit, les laver moins aussi. Conseil d'utilisation là sur le nouveau site à la sortie de la collection, on vous en dira plus là-dessus, mais en fait c'est déjà laver moins ce vêtement parce qu'en fait ils aiment pas être lavés, tu vois, ils aiment pas l'eau, c'est comme les chats. Et puis les laver à plus basse température, parce qu'en fait ça sert à rien de laver un t-shirt à 60 degrés à moins qu'on ait fait de la mécanique, et encore vaut mieux le laisser dans le garage avec ses autres copains de t-shirt de mécanique, Dixit mon mec. Et puis question pratique, à part l'hiver quand il neige pendant 2 semaines à Paris, ne pas utiliser le sèche-linge, laisser respirer à l'air libre. Et il y a certaines laines qui ont des principes auto-actifs, comme quoi la nature c'est vraiment la plus forte. Trop bien. Voilà. Après, il faut se renseigner un peu sur ces questions-là. Moi, j'avais lu quelques articles là-dessus. Et puis, aérer ses vêtements, parfois, c'est mieux que de les laver. Ok. Voilà. Trop bien. Surtout pour la laine, c'est vraiment mieux. Parce que de toute façon, sinon, en fait, ça rétrécit au bout d'un moment. Voilà. Pour terminer, je te propose quelques petites rapid fire questions, autrement yes. dit, pour les auditeurs et auditrices qui ne seraient pas familiers avec cet exercice, par quelques questions rafales. Alors, un mantra optimiste à se répéter chaque jour. Voir le potentiel plutôt que les limites. Une petite action à réaliser pour voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Sourire. Un adjectif pour qualifier la prochaine collection des récupérables. Escale, c'est son nom. Une recommandation culturelle, pardon, qui met du positif dans le cœur. Ah oui, alors qu'est-ce que j'ai vu de fabuleux il n'y a pas longtemps ? Le pastel. Exposition pastel au Petit Palais. C'est un vrai délice, c'est de la douceur. Pour terminer, une pensée positive à partager aujourd'hui avec nos auditeurs et auditrices. Vous êtes des personnes fabuleuses, ne l'oubliez pas, et ne vous laissez jamais démonter. Si on vous dit non, foncez. Merci beaucoup Anaïs. Merci à toi Charlotte. Anaïs, du fond du cœur, merci. Merci pour ce témoignage. Merci d'avoir partagé tes connaissances avec nos auditeurs et auditrices. Et surtout, d'avoir déversé un peu du soleil que tu as dans le cœur, dans nos oreilles. Retrouvez toutes les informations de l'émission ainsi que les photos de notre échange réalisé par Lydie, mon amie et business partner que vous connaissez peut-être sous son pseudo Instagram, Liloot, sur le blog à l'adresse unfidera.com. Si l'émission vous a plu, il faut nous le dire avec des étoiles sur iTunes notamment. Et puis, il faut vous abonner à l'émission sur SoundCloud, Stitcher ou Deezer. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.